Ben, je m'appelle Dieudonné Kabongo. Je suis comédien. J'ai d'ailleurs joué dans le film Lumumba, un rôle qui n'était pas joli. Parce que j'interprétais le rôle de la personne qui a joué un grand rôle dans le drame de sa mort. Revivre ça, c'est un travail dans votre travail, ça vous a beaucoup ému? Ben vous savez, moi, ce qui m'a ému, c'est de savoir que les temps passent et que on a l'impression d'oublier qu'il y a un processus qui a été arrêté. Parce que tuer Lumumba, c'est avoir tué un processus. Et ce processus fait que le Congo est toujours en deuil, est toujours dans une tragédie dont il ne sort pas. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une chose qui doit être faite, ne fût-ce que celle de procéder à la mener à sa dernière demeure. Ça n'a pas été fait, on sait qu'il a été tué, mais Lumumba n'a jamais été enterré. Tout le monde a un enterrement digne, comme on le dit souvent, mais ça n'a jamais été fait. Et donc cette marche aujourd'hui, si petite qu'elle soit, et pour moi, un bon point de départ d'une réflexion qui doit être faite par rapport au sujet. Est-ce que la Belgique a... Est-ce que vous avez le sentiment que la Belgique accompagne enfin cette réflexion? La Belgique devrait se dire c'est la meilleure occasion d'enterrer une hache de guerre entre deux pays qui se côtoient tout le temps, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et que là, c'était une belle occasion de se dire, ben écoutez, on va mettre les points sur les i et on va chacun assumer ses responsabilités par rapport à cela pour aller de l'avant. Et je pense que c'est parfois des occasions qu'on rate dans l'histoire de la construction entre la Belgique et le Congo, la construction de cette amitié qui apparemment est toujours là, mais elle est un peu bizarre, c'est un amour assez spécial. On doit quand même pouvoir faire une part de justice. La justice totale, ça ne sera pas facile, mais une part de justice par rapport à la mort de Lumumba, je pense que ça serait pas mal et qu'on répare aussi quelque chose dans l'histoire, vous savez. Il est mort pour rien jusqu'à aujourd'hui. Il est mort pour rien. On ne veut pas qu'il soit mort pour rien. On veut que tout le monde se réveille. Les Belges et les Congolais, pour défendre la mémoire de Lumumba. C'est le pays, le Congo est complètement à plat à cause de cette histoire. Il a mal débuté. On n'a pas donné sa chance encore aux Congolais. Tous ces morts, on les a sur les consciences, ici. Tout le monde a tous ces morts depuis l'indépendance sur la conscience. Cette terre, on peut la partager, il y a assez pour tout le monde. Mais il y en a qui prennent des trop grosses parts du gâteau. C'est ça le problème. Les Belges doivent se sentir concernés. La plupart des Belges ne connaissent pas l'histoire. Il y a une volonté de maquiller l'histoire. Les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Donc, on doit apprendre l'histoire dans les écoles. Absolument. C'est absolument important. Vérité, justice, réparation, vérité. Réparation.